Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Duprès 1862. Question 29. De la paix. La paix est la concorde. La véritable paix est dans la charité. 1. La paix est-elle la même chose que la concorde? Il peut y avoir concorde pour un mauvais dessein entre les méchants. Et cependant il est écrit, il n'y a point de paix pour les impies. La paix, par conséquent, est autre que la concorde. Elle implique la concorde, mais elle suppose, en outre, l'accord de chaque homme, avec lui-même, en ce qui est de ses appétits. Note. De ce qu'un individu est en parfait accord avec quelqu'un, il ne s'ensuit pas qu'il soit bien d'accord avec lui-même. La paix exige que tous nos mouvements appétitifs s'accordent entre eux. Fin de la note. 2. Tous les êtres tendent-ils à la paix? Tous les êtres, dit saint Augustin, tendent vers la paix. En effet, ceux qui désirent un objet souhaitent l'absence des obstacles, et veulent par là même la paix. Note. Ceux-là même qui cherchent les guerres et les divisions veulent en cela la paix qu'ils ne croient pas avoir, ou une paix plus parfaite que celle qu'ils ont. Remarquons que la véritable paix ne saurait exister que dans les bons, et relativement au bien. Celle qui a pour cause le mal est une paix fausse, malgré les apparences, comme le marque cette parole, ensevelie dans une ignorance aussi funeste que la plus terrible guerre. Ils appellent paix des mots si nombreux et si grands. Sagesse, 14, 22. La paix parfaite est au ciel, où l'on possède le bien véritable d'une manière parfaite. Fin de la note. 3. La paix est-elle l'effet propre de la charité? La charité produit deux sortes d'union, l'union des désirs, en tant qu'elle nous fait aimer Dieu de tout notre cœur, l'union des volontés, en nous faisant aimer le prochain comme nous-mêmes. Il est aisé d'en induire que la paix est son effet propre. 4. La paix est-elle une vertu? La paix n'est pas une vertu, elle est, comme la joie, un produit ou, si l'on veut, un acte de la charité. Aussi est-elle l'objet de ce précepte. Ayez la paix entre vous, Marc 19, 49. Comme acte méritoire, elle prend rang parmi les béatitudes, qui sont les actes d'une vertu parfaite, elle se place aussi parmi les fruits, comme un bien final. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.